Chapitre 10. Clavette et clochette. Il paraît qu'en rangeant le léger bagage rapporté du Bacchus navigateur par Gantôme, Mademoiselle Norette s'est montrée fort surprise de découvrir au milieu de mes livres et de mes papiers la fameuse clavette en ivoire. Elle a interrogé Gantôme, qui ne lui a rien appris, sinon que la clavette m'appartenait. Maintenant, elle voudrait savoir comment cette clavette est arrivée dans mes mains. Je raconte alors, très simplement à Saladine, la rencontre que j'eus de l'étonnante chèvre jaune qui me fit encourir tout le long du vallon il y a 3 jours, le soir même de mon arrivée. « Mais c'est Jeanne que vous avez rencontrée. »« Jeanne ?»« Oui, Jeanne, la chèvre de Mademoiselle Norette, notre chèvre, qui précisément, ce jour-là, après avoir, tant elle est malicieuse, arraché avec ses cornes le piquet qui l'attache au pré, rentra, son collier de travers, prêt à tomber, la lanière pendante, ayant perdu, clavette, et clochette. Voilà bien maintenant la clavette. Mais c'est la clochette qu'il faudrait. Mademoiselle Norette a pleuré. Et monsieur Honorat, s'il apprend cela, risque d'en faire une maladie. Une clochette en argent, monsieur, que, depuis des 100 et 100 ans, les gazans ont dans leur famille. Si vous vous rappeliez l'endroit, on pourrait peut-être la retrouver. Alors, à son tour, timidement, Mademoiselle Norette, qui attendait dans l'escalier le résultat de l'ambassade, s'est approchée. « Surtout, monsieur, je vous en prie, que mon père n'en sache rien. » La nuit tombée, j'ai promis de retourner au vallon dès la première aube pour essayer de reconnaître le buisson que traversait la chèvre, quand dans la nuit, il me sembla entendre quelque chose tinté. Et ce matin, je suis retournée au vallon. Singulier prélude à mes travaux savants que cette recherche d'une clochette égarée. Heureusement, le bloc de porphyre rouge sur lequel s'est un instant posée la chèvre pourra servir à me guider. Voilà bien le buisson, l'endroit où tomba la clavette, et en bas d'une pente rocheuse poli au passage des paysans et de leurs bêtes, le trou d'eau où la clochette a dû rouler. Quelque chose de blanc tremblait au fond. C'était la clochette. Je l'ai retirée ruisselante et tout de suite j'ai compris l'importance que M. Honorat et Mademoiselle Norette attachaient à sa possession. Cette clochette, curieusement ouvragée dans le goût sarrasin, portait en ourlet sur l'extrême bord une manière d'arabesque que je pris d'abord pour un pur caprice ornemental, mais qui, plus attentivement examinée, me parut constituer une étrange inscription en grec très ancien mêlée de caractères koufiques. Le tout me parut rentrer avec un singulier à-propos dans le cadre de mes études. Je songeai donc à transcrire l'inscription, me réservant, car je m'entends un peu en cryptographie, de la déchiffrer à loisir, quand Mademoiselle Norette est accourue. Sa chèvre jaune la suivait, pareille d'ailleurs à toutes les chèvres et nullement fantastique au grand jour. Mademoiselle Norette m'a repris la clochette, riant et me remerciant. Elle l'a suspendue au cou de Jeanne, qui aussitôt s'est mise à courir devant sa maîtresse vers le village. Monsieur Honorat grondait lorsque nous rentrâmes. « Est-ce raisonnable, Norette, de fier ainsi cette clochette d'argent à la chèvre? Un jour ou l'autre, tu peux la perdre. »« Tu vois bien, père, qu'elle n'est pas perdue. » »« Sans doute, mais des gens l'ont vue. Cela fait toujours parler, les gens. » Et de sa voix doucement entêtée. J'aime assez faire parler les gens, disait Norette. Fin de la deuxième partie de La Chèvre d'or de Paul Arène.